Non, c'est plus qu'on rend à la baie. Violent, oui. La plata, la plata. Passons à la plata. Mais le bon la plata. Je la plata. Ouais, sale. Je suis violent comme sud de l'Italie. Mafieux comme les Trapattoni. C'est plus qu'on rend de la paix. J'ai compté du pied, j'avais pas à lire. Chemin. Il lui a mis dans la tête. Parce que son petit frère s'est fait salir. J't'ai pas fait du sale, gros, j'ai failli. Mais devant les keufs, j'ai dû tailler. Tu crois vraiment qu'on est gogol? Parce que tu vois trop gesticule. Mais derrière toutes ces pellicules, tu vois pas le mal qu'on véhicule. Les vrais négros nous connaissent rien et savent qu'on bouge les reins seulement après la guerre. Mes chars on danse après les KO. Mero, gang, Nimco, gang, Skao, gang, Marlo, gang. Mes négros dansent après la guerre. Après la guerre. Mes chars on danse après les KO. Rico, c'est la jeune, dans nos rues c'est Medellin. Dans les coins avant la dope, prends prof d'anglais, prends des lignes. Laissez-moi dans mon délire, j'fume mon joint à l'arrivée, je vous attends sur la ligne. Les livraisons se font à vélo, les grands du Jax finissent alcoolo. Les sœurs des gens sont dans les télos, les toxicos sont dans les bureaux. Mon cellulaire est sous écouteur, la brigade des subs sont mes auditeurs. Les petits noms n'ont plus rien à foutre, la haine a remplacé la peur. Allez, on se prend le bateau, pas. Mais la mienne est en plate, allez. Qui est dans la commande, Jean-Pino? Je laisse dans le plate, elle marche. La peur. Gang,